Et ton bouquet, chère petite sœur, je te rejoins. Père Terre, nous parions du bonheur, on le cherche bien loin, on l'appelle, on l'implore, et voici que peut-être il passe en nos chemins, un sourire à la lèvre, puis des fleurs. Pour vous voir toujours auprès d'un autre.